Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la révolte dans les prisons françaises pendant l'hiver 1971-1972, dont l'épisode le plus important s'est déroulé dans la maison d'arrêt de Nancy. Sujet sensible par excellence, la prison est depuis de longues années source de débats et d'interrogations. S'intéresser à elle, c'est se plonger dans les entrailles de notre système judiciaire, s'immiscer dans les peurs et les fantasmes de l'opinion sur les condamnés, regarder en face ces corps et ces esprits qu'on jette et qu'on isole pour un temps de nos regards et de nos vies. Aujourd'hui, plus de 40 ans après les mutineries de Nancy, si les causes diffèrent un peu, les effets sont les mêmes. Grève, violence, surpeuplement, 69 430 personnes étaient incarcérées en France au 1er mars 2017, une augmentation de 18% par rapport au nombre de places existantes, le chiffre est éloquent. Notre invitée aujourd'hui, la magistrate Aline Hazan, ancienne juge d'application des peines, nommée contrôleur général des lieux de privation de liberté en juillet dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez et Fabrice Lègle, préparation Jean Bulot. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Depuis les événements du printemps 68, la France a repris le chemin du quotidien et de l'ordre encore assez établi. Mais en même temps, comme un lendemain de fête sans fin, les enfants de mai tentent de retrouver l'effervescence des meetings et des mots d'ordre imaginés dans les amphithéâtres ou dans les ateliers des usines. La lutte se poursuit, différemment, pendant que le président Georges Pompidou et son premier ministre Jacques Chaban-Delmas tentent de donner au pouvoir post-gaulliste un profil plus ouvert, plus moderne. C'est une France qui semble osciller entre progrès et tradition. L'ordre doit régner, il reste une valeur largement partagée. Alors des ministres plus rigides que le président et son fringant premier ministre, comme Raymond Marcellin à l'intérieur, surnommé Raymond la Matraque, souhaitent par exemple l'anéantissement de toutes les organisations héritières des événements de mai 68. Après l'intimidation, les arrestations et la saisie de journaux parmi les mouvances dites gauchistes, la place Beauvau obtient du gouvernement la dissolution de l'un de ses groupes les plus influents, la gauche prolétarienne, dont le compagnon le plus célèbre n'est autre que Jean-Paul Sartre. Dans le même temps, le ministre de l'Intérieur arrête et embastille le directeur de publication du journal La Cause du Peuple, Jean-Pierre Le Dantec. En quelques mois, des dizaines de militants politiques se retrouvent derrière les barreaux. Au fond de leurs cellules, ces étudiants, ces intellectuels, ces révolutionnaires découvrent l'univers pénitencier, le calvaire des prisonniers de droit commun. Très vite, ils organisent à l'intérieur et à l'extérieur des prisons des actions de sensibilisation, dont deux grèves de la faim. À vouloir enfermer la révolte, Marcellin l'installe, en fait, à l'intérieur des prisons. Erreur de stratégie manifeste. Et le 8 février 1971, après une grève de la faim des détenus politiques, Michel Foucault, philosophe, Jean-Marie Domenac, journaliste, et Pierre Vidal-Naquet, historien, fondent le GIP, groupe d'information sur les prisons. La prison intègre ainsi le champ des idées. Nul de nous n'est sûr d'échapper à la prison. Aujourd'hui, moins que jamais. Sur notre vie de tous les jours, le quadrillage policier se resserre. Dans la rue et sur les routes, autour des étrangers et des jeunes, le délit d'opinion est réapparu. Nous sommes sous le signe de la garde à vue. On nous dit que la justice est débordée, nous le voyons bien. Mais si c'était la police qui l'avait débordée? On nous dit que les prisons sont surpeuplées, mais si c'était la population qui était sur-emprisonnée? Peu d'informations se publient sur les prisons. C'est une des régions cachées de notre système social, une des cases noires de notre vie. Nous avons le droit de savoir, nous voulons savoir. C'est pourquoi, avec des magistrats, des avocats, des journalistes, des médecins, des psychologues, nous avons formé un groupe d'informations sur les prisons. Jean-Marie Domenac, Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet. Dans les files d'attente des parloirs, à la sortie des prisons, puis de cellule en cellule, des petits papiers commencent à circuler. Ils sont inscrits quelques questions sur le quotidien des détenus, leurs conditions de détention, leurs droits derrière les murs, leurs besoins. Foucault et ses acolytes publient mois après mois le résultat de ces premières enquêtes, libèrent la parole des détenus et accusent le gouvernement de laisser les prisonniers à la merci des directeurs des établissements pénitentiaires. La situation est explosive. Quelques mois plus tard, à la fin de l'été, la prison est au cœur de l'actualité. Pendant l'été 1971, on relève une augmentation des tentatives d'évasion. L'une d'elles fait la une de nos journaux. Le 21 septembre 1971, dans la prison de Clairvaux, Claude Buffet et Roger Bontemps tentent de s'évader. Ils prennent en otage deux personnes, une infirmière et un gardien. Après une journée de négociations et d'attente, la police donne l'assaut vers 22h. Ils retrouvent les deux otages, la gorge tranchée. Le lendemain, l'émotion dicte les mots des éditorialistes et des inconnus qu'on interroge. L'opinion et les surveillants des prisons réclament une peine exemplaire contre les deux coupables. René Pleven, ministre de la Justice, entend cette émotion. Il déclare : Nous devons, à Clairvaux comme ailleurs, trouver des moyens plus efficaces de protéger le personnel, et en particulier celui des services médicaux et sociaux. Toutes améliorations ou modifications aux installations qui paraîtraient nécessaires devront être réalisées dans les plus brefs délais, et je prends l'engagement d'en trouver les moyens. Pendant plusieurs semaines, le drame de Clairvaux est dans toutes les têtes. On réclame la peine de mort et on rejette un peu plus loin dans nos cellules ces voleurs d'un jour avec les assassins et les bandits de haut vol. Ça s'appelle l'école du crime. Le 12 novembre, sous la pression des syndicats de surveillants, on décide de supprimer les colis de Noël des détenus. En attendant le jugement des deux assassins, c'est l'ensemble des prisonniers qui paient l'addition. Et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un mois plus tard, les prisonniers se révoltent. Le 5 décembre 1971, dans la prison de Toul, plus de 200 détenus refusent de regagner leurs cellules et s'installent en sit-in dans la cour de promenade. Collectivement, ils inscrivent des revendications et révèlent les conditions de détention. Ils réclament le départ du directeur de l'établissement, Georges Galliana. Cet ancien directeur de la prison d'Alger, lors de la guerre d'indépendance, a gardé de ses années de non-droit le goût de la matraque et de la brutalité. Les détenus transmettent ses doléances à l'abbé Veltin, une sorte d'abbé Grégoire de Toul, un homme de foi qui a la confiance des détenus. Quand la République s'efface de nos prisons, ce sont souvent les gens d'église qui entendent la détresse des prisonniers. 4 jours plus tard, bis repetita, les détenus ne font pas le mur, mais se révoltent, construisent des barricades, montent sur les toits pour crier leur colère et mettre la pression sur les autorités. Après plusieurs heures de tension, l'abbé Veltin annonce le résultat des négociations au micro de France Inter. Il y avait des revendications légitimes, elles sont satisfaites, mais tout est fini, quoi, pratiquement. Mais laissez-leur le temps de rentrer dans les bâtiments, de descendre des toits. Et puis les adultes donnent la consigne aux jeunes de rentrer dans l'ordre, d'obéir, d'être disciplinés. Et une fois de plus, ils m'ont obéi. La garantie, c'est l'administration qui leur a donné, suite de différentes démarches. Le nouveau directeur est M. Divizia. Il assume personnellement et aussi longtemps qu'il le faudra la direction de la maison. Et cette mesure a apaisé les détenus et la suite viendra. Vous savez que j'étais intervenu dans la nuit de samedi à dimanche. J'ai obtenu le calme, la paix. J'avais dit qu'il fallait prendre des mesures immédiatement. On voulait bien faire de moi un héros qui avait évité à nouveau Clairvaux. J'ai dit pas du tout, j'ai retardé la bombe. Si on laisse pourrir la situation, ça éclatera. Un préalable a quand même été posé, c'est qu'il n'y ait pas, bien sûr, de répression contre ce qu'ont dit les meneurs. J'espère que l'administration tiendra ses promesses. Maintenant, l'administration a ses problèmes, tout est cassé. Et rien ne change. En fait, le directeur ne s'en va pas. Et les mutins reçoivent le châtiment prévu, matraque, coup de poing, mitard. Certains sont attachés plusieurs jours, sans pouvoir bouger. L'abbé et l'aumônier, eux, sont interdits de séjour. À l'extérieur, des comités de soutien s'organisent. Michel Foucault et Simone Signoret achètent une pleine page dans le journal Le Monde pour publier le témoignage du docteur de la prison, Edith Rose, qui parle des conditions inhumaines de détention. Toul, épicentre de la révolte. Le 13, une nouvelle mutinerie explose. Sous la pression, Maurice Lambert, le préfet de Meurthe-et-Moselle, annonce. Une nouvelle enquête administrative aura lieu et l'inspecteur général d'administration pénitentiaire se rendra demain matin à Toul et procédera à une nouvelle enquête. Un dernier point, monsieur le préfet. Y a-t-il eu des blessés au cours de l'affrontement entre les prisonniers en rébellion et les forces de l'ordre? Il y a un certain nombre de blessés, mais la plupart sont des contusions légères. En vérité, il y a simplement 4 blessés, 3 blessés du côté des détenus et 1 blessé qui est un gardien. Et on peut dire maintenant, le calme est revenu. Le calme semble revenu ce soir. Et définitivement, je le souhaite. C'est Robert Schmelke qui prend en charge cette commission, lui l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire d'Alger. Il entame les auditions plus vite pour éviter toute contagion dans les prisons. Dans le même temps, à Toul, c'est le grand départ pour près de 200 détenus qu'on installe dans d'autres établissements, séparés pour mieux régner. On éloigne les détenus pour briser leur lutte collective et inédite, les séparant encore un peu plus de leur famille et de leurs proches. 3 semaines plus tard, Robert Schmelke rend sa copie. Toute la presse est présente, car depuis les événements de Toul, la prison s'invite dans nos pages des journaux et même à la télévision. Le jour de la remise du rapport, ce sont le pasteur Amédro puis l'abbé Veltin qui sont interviewés pour le 20h. À travers leurs mots, les Français se font enfin une représentation lucide de l'univers carcéral. Comment et pourquoi y a-t-il eu une émeute, une véritable émeute à la prison de Toul? Quelles sont les raisons profondes? Vous savez, monsieur, quand on est pris dans un étau, on a l'impression qu'on ne peut plus même respirer. Ça explose. On peut dire que l'étau se resserrait, n'est-ce pas, de plus en plus. Et puis, la vie est faite de petites choses. Et là, il y avait pas mal de brimades, parfois pas très graves, mais continuelles, qui faisaient que tout dialogue, au fond, était impossible. Mais quel genre de brimades? Je n'ai pas constaté moi-même, mais le médecin psychiatre, lui, a constaté que des jeunes restaient environ une dizaine de jours attachés sur un lit. Par les pieds, par les mains. Et que quand ce médecin s'est étonné et a demandé qu'on détache ces hommes, lui a été répondu, nous ne pouvons pas, c'est le règlement. Est-ce que vous avez été, vous, témoin de sévices, de brimades? Vous pensez bien, monsieur, que on ne fait pas ça quand les aumôniers sont là, ni même les éducateurs, ni l'assistante sociale. Ce ne sont pas des enfants de cœur. J'ai vu à l'infirmerie des garçons attachés. J'en ai vu un encore le 1er novembre, attaché sur son lit dans une cellule d'isolement au quartier des jeunes. Sévices quotidiens, désespoir de ces hommes jeunes, souvent arrêtés pour de petits délits, mais qui, après plusieurs mois d'enfermement et de mort sociale, pensent au suicide. Alors, la parole se libère. Dans son rapport, Robert Schmelke reconnaît certains dysfonctionnements dans les prisons, mais il réfute l'accusation de mauvais traitement. Est-ce que les conclusions de ce rapport, qui portent uniquement sur Toul, peuvent entraîner des conséquences dans d'autres centrales sur l'ensemble du régime pénitentiaire français? Non, je crois que là, il faut faire encore une fois très attention, n'est-ce pas? Notre enquête a porté sur Toul. Nous avons constaté à Toul des choses anormales. Bien, nous ne pouvons pas en conclure que dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, les choses se passent de la même façon. Je suis persuadé du contraire, d'ailleurs, personnellement. Et pourtant, la brèche dans le mur de nos prisons ouvertes à Toul ne se referme pas. Des intellectuels, des magistrats, des avocats comme Robert Badinter appellent à des réformes. François Mitterrand, à l'époque premier secrétaire du PS, demande à l'Assemblée nationale une enquête sur l'ensemble des établissements pénitentiaires. L'ORTF, pourtant frileuse à l'époque, programme un grand débat en prime time sur le sujet. Pendant une heure, Robert Schmelke revient sur les éléments de son rapport et répond aux questions et critiques des journalistes. Jean-Marie Domenac, directeur de la revue Esprit et fondateur du GIP, accuse le rapporteur de faire de Toul une exception, alors que le problème est dans toutes les prisons. 2 jours après, les événements lui donnent raison. Ya sama cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kosa. Nika so. Oh. 15 janvier 1972. Située au cœur de Nancy, la prison Charles III est une ancienne manufacture devenue une maison d'arrêt il y a plus d'un siècle. Sur le fronton du bâtiment, au-dessus de la grande porte, on peut lire « Maison d'arrêt, de justice et de correction ». Pourtant, seul l'arrêt et la correction sont de mise. La veille, des détenus d'Écrouves, qui ont tenté une action, sont transférés à Nancy. Dans l'atelier le jour, dans les cellules le soir, on discute, on compare les prisons. Chacun évoque les mêmes problèmes. Hygiène, sévices, froid, faim. Alors au petit matin, au cours du petit déjeuner dans le réfectoire, certains détenus se mutinent. En quelques heures, près de 300 d'entre eux sortent de leurs cellules et prennent le contrôle de la prison. Ils barricadent les entrées, scrutent les mouvements des gardiens, puis se rassemblent, discutent et inscrivent sur un tract leurs revendications. Certains montent sur les toits, crient leur colère. À l'extérieur, devant la prison, des dizaines de badauds d'anciens détenus ou membres des familles sont arrivés dès l'annonce de la mutinerie. Des gardes mobiles quadrillent la prison et reçoivent les premières tuiles sur leur tête. Parmi les journalistes présents, Gérard Drolk, du Républicain Lorrain, est l'un des seuls photographes. Il photographie heure après heure la mutinerie. Sur ces photos, on peut voir des visages, des hommes debout, en haut des toits, qui font face à la foule et aux policiers. Deux d'entre eux portent une banderole où l'on peut lire « On a faim ». D'autres jettent des tracts imprimés à la va-vite. À 13h, après plus de 6 heures de révolte, Jean-Claude Jelin de France Inter tend le micro. Un ancien détenu parle de la vie à Charles III. Prison Charles III à Nancy, puisque vous êtes resté combien de temps ? Un an. Vous êtes sorti il y a combien de mois ? 6 mois. Alors, comment ça se passe à l'intérieur de cette prison ? À l'intérieur de cette prison, c'est vraiment dégueulasse. On a du pain qui date de 15 jours, avec des marteaux et du mal à casser. On est en train dans une chambre. On a une tinette en plastique pour chier devant tout le monde. Si un surveillant vous dit, dans la cour, tu ramasses les mégots, on lui dit non. Un quart d'heure après, ils viennent, ils sont assis, ils vous tapent dessus. Et il faut voir les mitards, comment que c'est. Les 8 heures, la journée, vous n'avez pas de péage, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien. Est-ce que vous-même, vous avez été maltraité? Oui, j'y ai été, moi. Les raisons? Moi, les raisons, parce qu'un jour, j'ai répondu à un surveillant, mais ils étaient au moins 6 dessus. Mais je n'ai pas calé, malheureusement, alors je me suis retrouvé sur une tête comme ça. Est-ce qu'il y avait des ceintures de contention dans cette prison? Comment? Est-ce qu'il y avait des ceintures de contention? Non, mais ça arrivait qu'ils mettaient les menottes et puis qu'ils les attachaient après lui, qu'on était pliés en deux comme ça, puis qu'ils nous tapaient dans la gueule sans pouvoir qu'on puisse faire quelque chose. Enfin, est-ce que vous approuvez vos anciens camarades, vos anciens. Les détenus qui sont là sur le toit et qui sont en train de tous s'accacher? Moi, je les approuve. Moi, je les approuve parce que quelqu'un qui n'a pas été peut pas en causer, mais quelqu'un qui a été peut réellement en causer. Il faut voir ce qui se passe là-dedans. Je peux vous demander la raison pour laquelle vous avez été condamné? Ouais, pour vol. Un vol de mobilette. Et vous avez réussi à vous reclasser? Oui, maintenant je suis reclassé, je suis marié. Mais vous savez, celui qui sort de là-dedans, il a du mal à se reclasser. Hein. Enfin, ça, c'est incroyable. Des mots qui nous permettent d'imaginer ces vies qu'on nous cache, puis des images qui nous interpellent encore aujourd'hui. Sur les clichés de Gérard Drolk, pris sur les toits de cette prison, on a l'impression de voir les enfants de la guerre des boutons ou les 400 coups de Truffaut. Comment sont-ils devenus des détenus? Après quelques mois, les plus jeunes sont relâchés, puis ils rechutent et reviennent en cellule à Charles III. La prison est la meilleure école de la récidive. Peu importe, l'opinion réclame que justice soit faite, la prison est la sentence qui rassure le peuple. Alors on emprisonne à tout va, au risque de l'explosion. Monsieur, vous êtes nancéien? Oui, je suis nancéen. Vous êtes là depuis combien de temps? Je suis venu au monde à Nancy. Non, je veux dire, vous êtes devant la prison depuis combien de temps? J'arrive. Alors que pensez-vous de ce qui se passe là sur le chemin? Je pense que de casser, ce n'est pas une manière de parler. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Ben, ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Je ne suis pas sanguinaire, mais je trouve que la répression, à la base, quand on pense que les femmes n'osent pas sortir le soir de chez elles, qu'elles n'osent pas rentrer chez elles, que les pauvres vieux se font assassiner dans leur maison, eh ben, je trouve tout de même qu'il y a quelque chose où on ne les démêle pas assez, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a des gens qu'on peut rééduquer, il y en a qu'on ne peut pas rééduquer. Ceux qu'on ne peut pas rééduquer, ben, c'est des nuisibles. Mais vous pensez qu'il faut discuter quand même avec les mutinés? Ah, je ne sais pas si on peut. De toute façon, je ne discuterai pas avec des gens qui cassent. Je veux bien discuter tant qu'ils ne cassent pas, mais pas quand ils cassent. D'accord, merci, ça va. Eh bien, il n'y aura pas de discussion. À 13h45, l'ordre d'assaut est donné aux gardes mobiles. Un hélicoptère est appelé à la rescousse. Les gardes mobiles entrent dans la prison, enfoncent une par une chaque barricade et inondent les étages de gaz lacrymogène. Le toit disparaît dans la fumée. Les derniers révoltés jouent les équilibristes, puis se rendent lorsque l'un d'entre eux se blesse gravement. L'ordre pénitentiaire reprend ses droits. Tout se passe derrière les murs, comme avant. Certains mutins sont sortis depuis et se souviennent de cette journée, de ses conséquences, comme Charles Hoffman, qui raconte dans le documentaire « Sur les toits » de Nicolas Drolk. Moi, je me suis retrouvé transféré à Toul. Là, on est arrivé à Toul, qui nous ont foutu là-bas. Je suis resté 2 jours à Toul. De là, ils nous ont pris, on était 4-5. 2 jours après, retransféré à Nancy. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe encore? Transféré à Nancy, et puis on arrive là-bas, casse-croûte. Hein. C'était carrément la haie, même pas les CRS, hein, ils étaient devant toutes les portes quand même, il n'y avait plus rien. Mais toute une haie de surveillants, ça je vous garantis que c'est vrai. Hein. Moi, je me suis retrouvé à poil, complètement, je dis bien à poil, moi. Dans l'allée, ils nous ont trépané, hein, à coups de choc par terre et tout, je me suis retrouvé. La tête comme ça, dans les mitors, il y avait 400 mecs qui étaient habillés parce qu'il n'y avait rien. Hein, dans les... Ils n'avaient plus rien non plus, mais ils étaient parqués comme ça. C'est en collégant qu'au bout d'une heure après, ils voyaient qu'on m'avait pas redonné mes freins, qui ont frappé, qui ont gueulé en disant « redonnez-lui voir ses habits, là hein, ». Voilà, c'était honteux. Hein. Et le directeur, tout ça, tout le monde était au courant. Hein. Il n'y a personne qui a bougé, qui n'a rien dit. Hein, ils le savaient, hein, la haie d'honneur en arrivant. Ah non, là-dessus, ça a été des pourritures. Hein. Pour ça, quand on dit, ils savaient très bien qu'on avait raison. Ils savaient pourquoi qu'on faisait de mutinerie. Hein. Le garde des Sceaux, René Pleven, déclare à la presse le soir même que la mutinerie qui a éclaté parmi les détenus de Nancy n'était motivée par aucune cause sérieuse de mécontentement. Puis, il fait porter la faute à ce qu'il appelle les éléments subversifs qui fomentent, selon lui, de l'extérieur, le désordre et la révolte dans les prisons. De la place Beauvau à la chancellerie, on cherche des coupables, c'est clair. On en désignera 6, Jean-Claude, Charles, Daniel, Gérard, Michel et Gilbert. Ils ont tous moins de 30 ans, tous condamnés pour vol. 6 détenus pour plus de 200 mutins, 6 détenus pour ne pas perdre la face, pour l'exemple. Pendant que les journalistes sont invités par le ministère à filmer et à photographier les dégâts à l'intérieur de la prison de Nancy, Le soutien aux mutins s'organise. Partout en France, des comités se forment. Le GIP de Nancy collecte le plus d'informations possibles auprès des familles et d'anciens détenus pour préparer la défense des inculpés. Ils en publieront un ouvrage intitulé « Le livre noir des événements de Charles III ». La riposte intellectuelle s'amplifie. Le 17 janvier, une conférence de presse sauvage se tient devant les grilles du ministère de la Justice, place Vendôme. Les plus grands intellectuels français sont présents. Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Claude Mauriac. Le Nouvel Obs titre en une « Les prisons de Pleven ». Interview d'anciens détenus et accuse le gouvernement. Les Français découvrent le quotidien des prisons, où le chauffage est souvent absent des cellules, où la douche est un luxe au bon vouloir des gardiens, où la presse est censurée, où la violence physique des surveillants est tolérée, voire motivée, où les droits fondamentaux de chaque homme sont bafoués. Le 8 juin, le jour du procès des mutins de Nancy, en solidarité avec les 6 inculpés, des actions se déroulent dans plusieurs prisons. Certains refusent de prendre le petit déjeuner, d'autres de travailler. Dans le box des accusés, ils sont 6. Sont-ils les leaders de la mutinerie ? Maître Henri Leclerc, accompagné de son confrère Albert No, prouveront le contraire. Pendant ces quelques heures d'audience, c'est la prison et le système carcéral qui se retrouvent dans le box des accusés. À 20h, le verdict tombe. Les 6 prévenus sont condamnés à des peines allant de 5 à 8 mois de prison. Retour en cellule. Alors quel avenir pour eux ? Pas grand-chose, comme le dit un ancien détenu en 1973, entretien extrait, là encore, du documentaire « Sur les toits » de Nicolas Drolk. Quel est son avenir au mec ? Il va retourner, manœuvre, à 500 balles de l'heure. Hein ? Bon, il sera toujours dans la même merde. Hein ? Bon, s'il aura appris en prison, il aura appris un peu plus de vis. Pour quand il ressortira, eh ben, il recommencera, il cassera. Et c'est la société qui fait recommencer les gens. Hein ? On te met en prison, comme je disais tout à l'heure, tu fais ta peine, tu ressors, crac, c'est pareil, t'es ta vie, tu sens que ta vie elle est loupée, quoi. Vous êtes détenu, vous êtes ancien détenu et tout ça, tu peux plus rentrer nulle part, toutes les portes se ferment, hein. Tu peux rentrer où on t'exploite le plus. Ben, je crois que c'est ça. Alors la prison, c'est vraiment la poubelle de toutes les sociétés, quoi. Mutin plutôt que mouton. 2 ans plus tard, en 1974, de nouvelles révoltes éclatent malgré la création du secrétariat d'État à la condition pénitentiaire. De Robert Badinter à aujourd'hui, la situation a évolué, c'est vrai, mais la France est condamnée régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions de détention dans ses prisons. Change of plan. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'univers carcéral en question, question posée à notre invitée Adeline Hazan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrate, ancienne juge d'application des peines. Vous avez été députée européenne PS, puis maire de Reims, avant d'être nommée en juillet 2014, voilà, il y a donc un peu plus de 4 ans, enfin ça va faire 4 ans, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Lieux de privation de liberté, c'est encore une formule politiquement correcte, ou ça a un sens et ça correspond à quelque chose de précis ? Ça a tout à fait un sens, ça n'est pas le contrôleur des prisons, comme c'est souvent dit, c'est le contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire les lieux où, à un moment donné, quelqu'un est privé de liberté par une décision de l'autorité publique, que ce soit pendant quelques heures pour une garde à vue ou à perpétuité en prison, en passant par des hospitalisations sans leur consentement dans les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention administratifs pour les étrangers en voie de reconduite à la frontière, les gardes à vue donc, et également les centres éducatifs fermés ou prison pour mineurs. Tous les lieux où quelqu'un est privé de liberté. Décision de l'autorité publique. D'accord. On ne doute pas de l'utilité de cette institution, mais avez-vous des pouvoirs ? Oui, nous sommes ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante. Ça veut dire déjà que le contrôleur général des lieux de privation de liberté n'a de compte à rendre à personne. Il ne peut recevoir d'instructions de personne. Il est totalement indépendant du pouvoir politique. Ce que nous avons, nous ne sommes pas, en revanche, une autorité qui peut donner des injonctions. Nous sommes une autorité qui fait des propositions, qui fait surtout des rapports et qui effectue 150 visites de ces établissements que je viens de citer par an. Et à la suite de ces visites, donc, des rapports sont envoyés aux ministères qui ont la tutelle de ces établissements, c'est-à-dire essentiellement le garde des Sceaux, le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur, de façon à repérer les dysfonctionnements en matière de droits fondamentaux et à faire des propositions. C'est-à-dire que nous, notre façon de voir les choses, notre critère, si je puis dire, c'est vérifier que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont respectés. Alors, on va en parler. Vous êtes la personne idéale pour nous parler de l'univers carcéral français, des lieux d'enfermement. De privation de liberté, nous on va se polariser sur les prisons, hein, si vous êtes d'accord. En quoi l'histoire que vous venez d'entendre des mutins de Nancy de 1972 est-elle encore et hélas d'actualité ? Alors, j'aurais une réponse un peu en demi-teinte par rapport à cela, et c'est très intéressant d'ailleurs de mettre les choses en perspective 45 ans après. Ce que je dirais pour faire bref, c'est que par rapport déjà à cette époque, il n'y avait absolument aucune façon de savoir et de connaître ce que vivaient les détenus à l'intérieur des prisons. Ça a été justement ces émeutes des années 70 ont été l'occasion de donner à voir l'invisible. C'est Foucault, c'est d'autres intellectuels qui justement par des témoignages, ça vient d'être rappelé dans ce reportage, par des témoignages directs vis-à-vis des détenus, vis-à-vis des familles, ont permis de donner la voix à ceux qui n'en ont pas, si je puis dire, et donc à faire sortir la voix des détenus. Ça n'existait pas. Maintenant, ça existe, je vais y revenir. La deuxième chose, c'est que par rapport à cette époque où on voit bien que les détenus n'ont aucun droit, que c'est l'arbitraire le plus total, on peut, comme ça a été montré, supprimer les colis de Noël pour tout le monde. On peut sanctionner sans qu'il y ait de procédure. Actuellement, et dans la loi, et notamment une loi importante de 2009, la loi pénitentiaire de 2009, elle reconnaît des droits aux détenus. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui sont reconnus aux détenus. Le droit à la santé, le droit aux activités, le droit au maintien des liens familiaux. Tout ça n'existait pas. Le problème actuel, c'est que ces droits, ils sont reconnus par la loi, mais ils ne sont pas suffisamment effectifs. Mmh. Et pourquoi ils ne sont pas suffisamment effectifs ? Pour plusieurs raisons sur lesquelles on aura peut-être le temps de revenir, mais essentiellement quand même, pour une raison principale, c'est la surpopulation carcérale. Alors, on va en parler, mais il y a aussi peut-être un frein à l'évolution de la condition du détenu, c'est le regard que la société porte sur le détenu. Pour la société, alors, pas pour tout le monde évidemment, mais en tendance majoritaire, c'est vraiment le détenu, c'est l'ali de la société. C'est-à-dire qu'il a pas de droit parce qu'il a fauté, il a que ce qu'il mérite, en gros. Et donc, aucune compassion et reconnaissance sociale. Malheureusement, c'est vrai pour une grosse majorité de l'opinion publique. Moi, par rapport à ça, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est qu'il faudrait que le maximum de gens, l'opinion publique, comme on dit, puisse entrer dans les prisons et voir ce que c'est qu'une prison. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faudrait vraiment que l'opinion publique, au sens large, comprenne que la façon dont les détenus sont traités actuellement empêche leur réinsertion, qu'ils vont sortir encore plus ancrés dans la délinquance qu'ils y sont entrés en prison, et que, de ce fait-là, c'est la société elle-même qui est en danger. Mmh. Et ça, l'opinion publique ne le comprend pas. Ne comprend pas que c'est la société qui serait mieux protégée si les détenus étaient mieux traités. Mais pourquoi est-ce que l'opinion publique ne le comprend pas ? C'est parce que les gouvernements ne l'expliquent pas, ils ne font pas de pédagogie, et que finalement ça arrange bien tout le monde, que les détenus soient un peu ces oubliés de la société, et qu'on les voit le moins possible. Et c'est là, à mon avis, l'erreur, la première erreur. Il y a un vrai paradoxe démocratique et philosophique. Finalement, la justice rendue par des jurés populaires, c'est la justice du peuple. Les prisons, c'est les prisons du peuple aussi. Pourquoi les gens ne vont pas, on n'organise pas des visites, comme vous le disiez tout à l'heure? Ce serait légitime d'un point de vue démocratique, oui, en plus. Alors, heureusement, ça se fait maintenant. Mmh. Ça ne se faisait pas à cette époque-là, largement. Ça ne se faisait pas non plus quand moi j'étais magistrat dans les années 80-90. Actuellement, dans la plupart des sessions d'assises, les jurés viennent visiter la prison du ressort de la cour d'assises. Donc comme ça, ils ont quand même une idée de ce que c'est que la prison. C'est pas pour autant qu'ils auront vraiment avec précision le sentiment de ce que vivent les détenus, mais au moins ils sauront quand même de quoi ils parlent. Et ça, c'est vrai aussi pour l'ensemble des magistrats. Certains magistrats qui composent les tribunaux correctionnels ne visitent pas les prisons dans lesquelles ils vont envoyer des condamnés. Adina Zan, on va écouter Michel Foucault, parce qu'on l'a dit, cette mobilisation des intellectuels avec ce groupe d'information des prisons a été important. Et Michel Foucault, bien sûr, on connaît sa somme, surveiller et punir. On va écouter un extrait d'une interview qu'il a donnée à Radio-Canada. C'était en avril 1971. On était un peu moins d'un an avant la révolte à Toul et à Nancy, que nous avons raconté. Il parle des premiers résultats des enquêtes du groupe d'information sur les conditions de détention. Ces conditions, elles sont extraordinairement dures et sévères. Et si vous voulez, je crois qu'elles peuvent toutes se résumer en un mot. La détention, c'est en principe la privation de la liberté, de la liberté de sortir, de la liberté d'agir quotidiennement à l'intérieur de sa famille et de son cadre de travail. Mmh. Un point, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que la prison devrait entraîner de plus la privation d'un certain nombre d'autres libertés fondamentales? Or, c'est précisément ce qui se passe en France. Sous prétexte que l'on enferme les gens, on les prive d'un certain nombre d'autres libertés ou d'un certain nombre d'autres droits fondamentaux, qui sont par exemple le droit à l'information, ou qui sont le droit au travail, ou en tout cas le droit à la rémunération légitime du travail, le droit aussi à la vie sexuelle, etc. Je vais prendre comme ça un certain nombre d'exemples assez curieux. En France, un détenu n'a pas le droit de recevoir la moindre information politique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lire les journaux? Eh bien, il peut bien lire les journaux. On lui donne Paris Match ou on lui donne Jour de France. Vous connaissez ces publications? Elles ne sont tout de même pas très dangereuses. Il y a des photos, et quand il y a des nouvelles politiques, l'administration de la prison prend des ciseaux et découpe la page, ou la moitié de page, ou le quart de page, dans lequel il y a... Et la radio et la télévision? Et dans la prison, les deux ou trois prisons en France, où il y a la radio, il n'y a nulle part la télévision. on coupe la radio au moment où l'information est donnée. De telle sorte qu'il y a eu des détenus qui, en 1968, qui ne se sont aperçus de rien. Adina Zan, qu'est-ce qui a changé depuis ce constat terrible ? Heureusement, d'abord, c'est très intéressant d'écouter Michel Foucault. Heureusement, certaines choses ont changé. La radio, ils ont le droit d'avoir la radio. La télévision existe maintenant dans toutes les cellules. Je rappelle quand même que les détenus la louent, la payent. Mais elle est tout à fait autorisée. Les détenus ont le droit, par exemple, de téléphoner dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes et qu'il faudra améliorer. Mais ils ont le droit d'aller à un point phone dans la prison pour téléphoner pendant quelques heures par jour. Donc, heureusement, certaines choses ont changé. En revanche, ce qui est complètement d'actualité 45 ans après, c'est quand Michel Foucault dit la privation de liberté, ça doit, une condamnation à la prison, pardon, ça doit être la privation du droit de circuler librement. Ça, rien c'est de plus. Vrai. Rien de plus. Actuellement, c'est ce que nous disons au contrôle général. Et malheureusement, l'organisation, la surpopulation et tous les maux de la prison ont une conséquence, c'est que la prison occasionne comme conséquence finalement la privation de beaucoup de droits fondamentaux. Il a cité le droit au travail, le droit à l'information, je citerai aussi parce qu'il est très important, le droit au maintien des liens familiaux et aussi le droit à la santé. Parce que là aussi, je parlais de ce qui est reconnu par la loi et le gap avec la réalité. La loi elle-même dit qu'un détenu doit être soigné dans les mêmes conditions que s'il était à l'extérieur. Dans la réalité, c'est très théorique, il ça, n'en hein. est rien. Oui. Et des détenus qui peuvent être gravement malades attendent... On agit aussi, nous, par réception de courriers de détenus, peuvent attendre des mois et des mois pour des pathologies assez graves qui ne vont pas être soignées dans des délais. Autre problème très important à signaler, c'est qu'actuellement, les prisons, malheureusement, sont remplies de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, que ce soit des troubles pas très graves comme des troubles anxio-dépressifs ou des pathologies extrêmement graves comme la schizophrénie. Les prisons, malheureusement, en sont pleines. Et là, je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement et le Parlement, c'est son rôle également, réfléchissent à des solutions sur comment faire en sorte qu'il y ait moins de malades mentaux en prison et qu'ils soient surtout soignés. C'est aussi la responsabilité des experts psychiatres dans les tribunaux, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça commence peut-être par là. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va arriver au principal problème, en tout cas vous le présentez comme ça, c'est la surpopulation. Je vais vous donner un chiffre. Donc cette surpopulation carcérale atteignait des sommets lors du bilan établi en mars dernier, donc 2017. La France comptait 69 430 détenus pour 59 664 places. Voilà. Donc la situation reste toujours aussi préoccupante de ce point de vue. Elle est très préoccupante. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Grosso modo, ça veut dire 10 000 détenus de plus que de places. C'est quand même ça. 10 200, voilà. C'est quand même ça. C'est énorme. Le chiffre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faut complètement changer d'échelle et changer de paradigme quand on parle de la prison. Il faut réfléchir sur le sens des très courtes peines, par exemple. Les prisons françaises actuellement... reçoivent 7, il y a actuellement dans les prisons françaises 7251 personnes qui purgent des peines de 6 mois. Tous les experts diront, et nous on le constate également, et je crois que la chancellerie en est d'accord, que des peines courtes n'ont aucune chance de permettre la réinsertion des détenus. Or, la réinsertion des détenus, ça doit être la priorité des prisons. Pourquoi elles ne peuvent pas le faire ? Parce que justement, surpopulation, ces détenus sont entassés dans des maisons d'arrêt, avec des surpopulations de 140% en moyenne, mais avec des pics en Île-de-France à 200%. Donc, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas d'activité. On n'a pas le temps dans les prisons de leur préparer leur sortie. Et toutes ces peines inférieures à 6 mois, justement, ne vont faire qu'aggraver la situation du détenu et donc le faire sortir dans des conditions, comme je disais tout à l'heure, qui le mettent en danger et qui mettent en danger la société. D'autant plus que vous dites qu'il y en a 7 000. On a 10 000 détenus en trop, si j'ose dire, hein, par rapport à la capacité d'accueil, et on en a 7 000 qui ne devraient pas être là. Absolument. Donc on arriverait à une surpopulation de 3 000. Quelque part, c'est pas bien, mais voilà, c'est quand même, voilà, c'est quand même différent. Absolument. Donc il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir également à en incarcérer moins aussi en détention provisoire. Et puis il faut aussi réfléchir à faire sortir, dans un certain nombre de cas, quand la maison d'arrêt est complètement saturée, faire sortir quelques détenus, un certain nombre de détenus, un peu avant l'expiration de leur peine, en préparant la sortie, mais en les faisant sortir de un peu plus tôt, de façon à faire baisser la pression, parce que 200% de détenus freinent ces 2200 détenus pour 1000 places à peu près. Mmh. Ça veut dire des conditions indignes. Je rappelle que la France a été condamnée plus de 30 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'indignité. Voilà. Ça veut dire des conditions indignes, mais ça veut dire aussi des tensions entre les détenus, donc de la violence entre les détenus, de la violence entre les surveillants et les détenus, et surtout une impossibilité pour les surveillants et pour l'administration pénitentiaire au sens large de préparer la sortie de ces détenus. Donc ça veut dire que là, la prison, dans ces conditions-là, quand il y a 200% de détenus dans une prison, ça veut dire que la prison, elle va être un facteur d'aggravation finalement de la situation de ces détenus au lieu de jouer son rôle de prévention de la récidive et de réinsertion dans la société. Je voudrais qu'on s'arrête aussi sur effectivement la violence et le danger qu'il y a à être incarcéré. La violence des co-détenus, les viols, la peur, hein, l'effroi même. Comment on peut lutter contre ce qui apparaît aujourd'hui quand même inhumain, enfin. C'est inhumain. On voit très souvent lors de nos visites, justement, des détenus qui demandent eux-mêmes à être placés à l'isolement, alors que l'isolement est une mesure disciplinaire, mais ils demandent à être placés à l'isolement pour être protégés, parce qu'ils ne supportent plus la surpopulation, parce qu'ils sont menacés dans leurs cellules, et que finalement, c'est le dernier recours de pouvoir être isolés. Mais l'isolement, c'est quand même un régime où ils vont sortir encore moins en promenade, où ils ne vont pas faire d'activité. Donc, ils sont amenés à demander une mesure qui en réalité est conçue comme étant punitive. Une sanction punitive simplement pour être protégée. À ce propos, on a été mal inspiré en France quand on a créé les QHS. Alors ça, c'est les oubliettes. Hein, les oubliettes de la République, presque quelque chose de moyenâgeux là-dedans. Un régime auquel Robert Badinter mettra fin, oui, effectivement. C'est quoi ces QHS? Quartiers de haute sécurité. Oui, c'était des quartiers où les détenus les plus, entre guillemets, dangereux étaient placés. Alors, ça n'existe plus sur le papier, mais c'est vrai qu'il y a encore en France des centrales, notamment Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil, qui sont conçus pour les détenus les plus dangereux, mais où justement, ça c'est aussi une des autres difficultés de l'administration pénitentiaire, où pour les remplir, ces prisons, on y met des détenus censés être dangereux, mais on y met aussi des détenus simplement qui ont des longues peines à effectuer, qui ne sont pas forcément très dangereux, et qui vont être en état de choc quand ils vont arriver, s'isoler, et ne pas pouvoir faire une détention normale. Annie Nazan, on va sortir de France. Je voudrais vous faire écouter ce reportage étonnant. Vous l'avez peut-être déjà entendu d'ailleurs. On va donc le réécouter, le cas échéant. Il était diffusé dans le 7-9 de France Inter, dans le Zoom de la rédaction. C'est tout récent. C'était le 6 février. Donc diffusé par Corinne Audouin, journaliste au service enquête justice de France Inter, sur les prisons ouvertes danoises. Vous connaissez, c'est un modèle, je ne sais pas s'il faut l'adopter, en tout cas on va l'étudier et on l'écoute. Une dizaine de petits bâtiments rouges abritent 220 détenus. Tous sont condamnés, principalement à des courtes peines. On en croise quelques-uns dans les allées du centre. Ici, pas de grands murs ni de mirador. Lénée Möller-Nielsen, la directrice, détaille la journée type d'un détenu. À Horserød, vous êtes enfermé dans votre cellule de 21h à 7h du matin. Tous les jours, à 8 heures, vous devez vous rendre au travail, en cours ou suivre un programme, un traitement. Ensuite, à partir de 15 heures, c'est temps libre. Les détenus se font eux-mêmes à manger, ils font leur lessive ou du sport. Alors les détenus ont un accès à Internet partiel dans la journée et le téléphone dans leur cellule. Dans la cuisine commune, il y a de grands couteaux attachés avec un câble. Notre étonnement fait sourire le responsable de la sécurité, Michael Piregard. Comme tous les surveillants, il a juste un téléphone avec un bouton d'alarme. Si vous pressez ce bouton, tous les surveillants arrivent. En 23 ans, je ne l'ai jamais utilisé. Vous n'avez jamais pressé ce bouton ? Non. C'est très facile de déclencher un conflit avec un détenu. Je peux le faire en 10 secondes. C'est bien plus difficile d'empêcher le conflit d'éclater. Et c'est ce qu'on fait. On parle pour apaiser les tensions. Il n'y a pas d'œilleton sur les portes de prison ici. Donc, Pas de barreaux, pas de Hutton, pas de Mirador. Et pourtant, à Horsereud, il y a peu de violence, quasiment jamais d'évasion. La règle ici, c'est la responsabilisation. Les activités, travail, formation sont obligatoires. L'entretien du bâtiment est assuré par les détenus. Ce qui frappe, c'est le calme et la propreté des lieux, hormis les 5 cellules disciplinaires pour ceux qui enfreignent les règles. Au Danemark, les 8 prisons ouvertes du pays accueillent un tiers des 3600 détenus danois. C'est le mode de détention normal, en dessous de 50 prisons. En cas d'incident, les détenus sont transférés dans une des 5 prisons fermées du pays. Alors cette souplesse est possible parce qu'il n'y a pas de surpopulation carcérale au Danemark. La France, avec ses maisons d'arrêt surpeuplées, semble à des années-lumière du Danemark. Alors peut-on tout de même s'en inspirer? Les prisons ouvertes coûtent moins cher et génèrent moins de récidives. La commission des lois de l'Assemblée, qui rendra son rapport sur le sujet à la mi-mars, espère en tout cas ouvrir le débat. Un reportage de Corinne Audouin diffusé mardi dernier dans le 7-9 de France Inter. Corinne Audouin qui vous pose une question, Adine Hazan, est-ce qu'on peut s'en inspirer? Le préalable, c'est que les populations ne soient pas les prisons ne soient pas surpeuplées, bien sûr. Voilà, ce qui a été dit est tout à fait exact, c'est-à-dire c'est très compliqué de le faire en cas de surpopulation. Alors, après, les centrales en France ne sont pas, les prisons centrales, c'est-à-dire pour les longues peines, ne sont pas surpeuplées. Donc ça peut être tout à fait une piste. Il existe quand même en France, une prison qui fonctionne comme cela, en Corse, Casabianda, oui, où les détenus sont quasiment en liberté dans un domaine où ils font des travaux agricoles et ils sont dans leur cellule uniquement la nuit. A priori, ça marche plutôt bien. En France, c'est réservé, si je puis dire, à des infractions à caractère sexuel ou à, disons, de ce qu'on appelle des crimes passionnels. Réfléchir, je pense que la commission des lois était très intéressée par cette formule. Pourquoi pas, c'est une piste. En tout cas, ce qu'il faut relever, c'est que les pays du Nord, de l'Europe du Nord, ont justement plus d'imagination que la France. Et globalement, en dehors même de cette formule de prison ouverte, on recourt beaucoup plus facilement qu'en France à des mesures, ce qu'on appelle des mesures alternatives à la détention. Et que malheureusement, en France, on n'y a pas suffisamment recours. Par exemple, les placements sous bracelet électronique, c'est extrêmement intéressant. C'est important comme nombre de détenus, mais je pense qu'on pourrait aller tout à fait au-delà. Il y a actuellement un peu moins de 10 000 personnes qui sont sous bracelet électronique. Je pense que ça pourrait être davantage et que justement par rapport à ce qu'on disait sur le choc de l'incarcération, sur le fait que ça empêche les liens familiaux, le travail, le maintien d'un logement, cette mesure de bracelet électronique devrait être développée. Donc tout ça pour dire que au Danemark, aux Pays-Bas, il y a beaucoup plus recours à ce qu'on appelle des alternatives à l'incarcération. Et qu'il faudrait que la France ait davantage cette culture-là. Mais pour que les magistrats puissent y avoir recours, je tiens à le préciser, oui, il faut qu'ils puissent avoir des enquêtes de personnalité. Donc, il faut des moyens. Et je voudrais citer un seul chiffre actuellement, c'est que le budget de l'administration pénitentiaire s'élève à 3,5 milliards, que c'est un chiffre très très bas, et que pour donner un ordre de grandeur, 3,5 milliards, c'est à peu près ce que coûte au gouvernement la suppression de l'ISF, ou bien la création du service national, puisqu'on en parle, universel. Donc ça veut dire qu'on peut trouver l'argent, et si on voulait par exemple doubler le budget d'administration pénitentiaire, eh bien on pourrait le trouver, puisqu'on l'a trouvé. Il faut une volonté politique. Toute dernière chose, Abdine Hazan, je vous bouscule un peu, parce qu'il ne reste que 45 secondes. Les prisons françaises, des incubateurs, des lieux de radicalisation islamiste, on le dit, c'est vrai. On exagère ou pas? Alors j'aime pas trop l'expression. Oui, il y a un problème d'islam radical violent en prison. La prison n'est pas le seul lieu, loin s'en faut, où les personnes se radicalisent. C'est d'abord par Internet, à l'extérieur. Après, que dans la prison, il faille traiter ce problème, oui, il est très difficile à traiter. Est-ce qu'il faut regrouper les détenus? Est-ce qu'il faut les séparer? J'ai rédigé 2 rapports expliquant que les unités dédiées, où on les a tous regroupées, n'étaient pas une bonne idée. Et je vais faire un 3e rapport sur ces nouvelles unités dédiées qui sont créées, installées actuellement. Ce sera le mot de la fin, Adine Hazan. Merci infiniment. Merci à vous.